On ne peut pas se permettre de jaser. Ça peut commencer bien bas. Là, on parle de sa job. Là, on a été 6 heures à niaiser, là, une fois. On appelle ça niaiser. Là. Puis les 45 dernières minutes, c'est là qu'on a parlé. Puis il est parti. Puis c'est ça qu'il faut qu'on en arrive à ça. Il faut qu'il y ait une transmission de pouvoir entre mon esprit et votre esprit qui se fasse. Puis pour qu'il y ait une transmission de pouvoir, il faut que votre esprit soit suffisamment dans sa propre lumière pour que votre personnalité ne fasse pas interférence avec votre ego. Il faut que la personnalité soit réellement neutre. Bien neutre. Ça se comprend-tu, ça veut dire? Personnalité à débarque. Éventuellement, elle débarque. Ouais. Éventuellement. Mais pas tout le monde. Je pourrais pas faire ça avant 82, ça, ce que je dis, là. Tu sais, je parlais à une conférence, je parlais de l'affaire d'être plate quand c'est plate. Tu sais, c'est plate. C'est ça que je voulais dire. Si je pouvais faire une conférence, là, qui serait réellement plate, là, elle serait pas plate. Elle apparaît à la plate en maudit à une personnalité. Ben. C'est ça que je veux dire. Parce que c'est lorsqu'elle est plate à une personnalité qu'elle devient très puissante en vibration. Moi, j'ai des amis à la maison, ça fait 10 ans qu'on se connaît, 9 ans, 8 ans, des fois, pas tout le temps, des fois, on s'assied, on parle. Là. On commence au souper à 5 heures, on s'en va dans le solarium, on prend le café, on finit dans la salle de télévision en bas, puis on parle jusqu'à 5 heures du matin. 5 heures du matin. 5 heures du matin, là, on est, les vibrations, ça se tient plus. Tu mettrais un chat là-dedans, il monterait un mur. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas intéressé à arriver. On est un dans le courant de l'énergie qui fait parler. Parce que moi, je vous regarde dans les yeux. Tu sais. Moi, je vous regarde dans les yeux, je vous fixe pas. Par politesse. Mais je vous regarde dans les yeux, puis les gens qui me captent avec une autre partie, là, pas personnalité, une autre affaire, je l'ai ici. C'est ça, c'est ce monde-là que j'ai de besoin, c'est de leur radio que j'ai de besoin pour continuer mon travail. Parce que moi, je ne peux pas fonctionner tout seul. Je n'ai pas la force de fonctionner tout seul. Il faut que j'aie un support vibratoire. J'ai des années à fonctionner tout seul. J'ai plus de force. J'étais un homme totalement atterré. Alors, j'ai besoin d'un support vibratoire. Puis le support vibratoire, il est dans l'esprit de chacun. S'il n'y avait pas un crotou ou un ménard ou d'autres personnes dans la salle, quand je donne une conférence, je n'en ferai pas. Je disais, laisse ton nom, on va attendre qu'il vienne dans ce brin. Parce que je ne peux pas parler à des masques. Je ne peux pas parler à des gens parce que les gens sont spirituels. Puis je ne peux pas parler à des gens même parce qu'ils sont intéressés à évoluer. Je ne suis pas intéressé à ça. Ça, c'est l'illusion, pas la mienne. Il faut que je parle à des gens qui sont capables de vivre avec moi cette sympathie. Parce que moi, quand je vous parle, je ne sais pas ce que je vais dire. Quand j'ai des séminaires, des conférences, toutes ces patentes-là, je ne sais pas ce que je vais dire. Alors, ce que je vais dire, il faut que ça sorte. Puis, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait une autre radio là qui puisse la capter, cette vibration-là. Puis plus le temps avance, bien plus il y en a des gens qui sont dans cette vibration-là. Puis c'est ça qui me donne le goût, qui me donne le goût de continuer, puis de continuer, puis de continuer, puis de continuer, puis de continuer. Sans ça, je me découragerais. Je ne suis pas intéressé, moi, avec les gens à dire ah, Bernard Montréal, il est bien fin, il est bien intéressant, il est comique. Bien intelligent. C'est pas ça, je suis pas intéressé à ça. Non. Mon travail est extrêmement sérieux. Mon travail est extrêmement occulte. Que les gens donnent, quand je parle, ça me dérange pas. Les gens travaillent, sont fatigués. Ça me dérange. C'est pas ça qui me dérange. Il y a des gens qui dorment, ça me dérange moins que des gens qui sont spirituels et qui veulent savoir. Ça me dérange encore bien plus. Il y a du monde parmi vous autres qui me sont extrêmement chers sur le plan occulte, sur le plan vibratoire. Très chers. Parce que je la sens, cette sympathie vibratoire-là. Au but, ça me donne un exemple. Il y a elle, c'est là, comment est-ce que ça s'appelle, là? Colette Malenfant. Il y a lui. Il y en a bien, c'est pacté dans ça. Parce qu'il va venir un moment, il va venir un temps où il faudra que votre esprit soit en sympathie vibratoire avec le mien pour qu'on puisse communiquer par télépathie, parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez jamais savoir par les mots. À un certain moment, il faudra qu'il y ait de la communication télépathique entre nous autres, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous dire sur le plan de la parole. Parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas être connues sur la planète Terre que par un certain nombre d'individus dans certains pays. Il faut que ça soit fait par télépathie. Parce qu'il y a trop de force, il y a trop d'intelligence sur les autres plans qui veulent retarder l'évolution de l'art. Comment fois des gens me demandent des choses puis je dis je peux pas t'en parler tout de suite. Puis c'est pas que je peux pas en parler ou que je veux pas en parler, c'est que je peux pas en parler. Puis il va venir un moment dans l'histoire de l'homme, dans notre histoire à nous autres, où l'homme devra savoir des choses pour parfaire son évolution. Parce que tant qu'il y a un homme fusionné, là ça marche, il y a un canal. Mais il viendra un moment dans l'histoire de l'homme, dans la prochaine génération, où les individus qui font partie de cette conscience universelle, qui sont répartis un peu partout sur la planète, il viendra un moment où il faudra que ces individus-là puissent se réaliser dans un certain domaine de l'intelligence. Et ce domaine de l'intelligence, c'est un plan. Moi, je disais à soir, par exemple, je disais, quand vous allez dans un plan, vous n'êtes jamais tout seul. Tout quelqu'un. Lui, il m'arrive, puis il dit, j'ai une expérience. Il dit, je suis comme sur une planète, puis il dit, ça ressemble à la planète Terre, et ainsi de suite. Puis il dit, c'est. La forme a changé un peu, puis il y a comme un peu des îlots un peu partout. Puis il dit, je suis seul. J'ai dit, je suis conscient quand je vais. J'ai dit, la prochaine fois, mais que tu y ailles. J'ai dit, tu demanderas où ce que t'es. J'ai dit, tu m'en reparleras. Je te ferai vous comprendre quelque chose. Puis après ça, il vient me voir, d'ailleurs, il me dit, je me rappelle, il dit, il y avait un oiseau blanc. Il dit, tu m'amènes, là. C'est ça que vous avez dit? Mais qu'est-ce que c'est, l'oiseau blanc? Si vous allez dans les plans et vous êtes conscient, votre expérience est cachée par défaut. Mais si vous étiez ces plans et vous étiez conscient et vous pouviez voir derrière les phares, là, vous verriez d'autres choses. Vous comprendriez d'autres choses. Et vous comprendriez que l'oiseau blanc, c'est votre ajusteur de pensée. Et que la planète où vous êtes, c'est l'éther. Qui est caché à vos yeux, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et que les îlots représentent les différentes facettes de votre personnalité. et que la déformation représente la transmutation de la personnalité. Autrement dit, vous comprendriez l'histoire psychologique de vos visions dans ces mondes-là, que vous ne pouvez pas voir ou comprendre par le biais de votre psychologie. Alors, pour rentrer dans l'intelligence de votre savoir symbolique, il faut que vous ayez de l'intelligence, mais pour que vous ayez de l'intelligence, il faut que la vibration de l'intelligence cosmique puisse se communiquer avec votre esprit. À ce moment-là, quand vous allez dans un plan, tu le verras quand tu retourneras, votre expérience est différente. Elle est plus claire, elle est plus nette, elle est plus illuminée, elle est plus compréhensible, et ainsi de suite. C'est là, il est là mon fardeau. Mon fardeau, c'est pas de donner des conférences, ainsi de suite, puis vous parler. Au contraire, le seul plaisir que j'ai dans la vie, c'est de parler à l'homme. C'est mon plus grand plaisir, d'ailleurs, je ne gère pas ça. La vie serait bien plate. Je n'aurais pas de raison d'être sur le plan matériel. Mais mon fardeau, c'est d'être obligé de parler à des personnalités au lieu de parler à l'esprit dans l'homme. Il n'a pas des bonnes cigarettes? Une matinée. Alors, mon fardeau, c'est d'être obligé de parler à des personnalités qui veulent savoir, qui sont curieuses. C'est la curiosité. Puis ça, il faut abattre ça, la curiosité. Parce que si vous avez de la curiosité, vous mettez automatiquement une barrière entre moi et vous autres. Moi, je suis un homme qui peut parler indéfiniment, sans arrêt, pendant des heures, puis des heures, puis des... Puis ce qui m'empêche de parler, c'est toujours vous autres. Pas de bloc dans l'intelligence. Il n'y a pas de bloc dans la conscience. Il n'y a pas d'impossibilité de débloquer quelque chose dans la conscience. C'est parfait, la conscience. C'est toujours la personnalité de l'homme qui bloque la conscience. Tout le temps. Puis une chose qui est importante dans la connexion entre mon esprit et votre esprit, c'est la patience psychologique de votre personnalité. Plus vous avez de patience psychologique, plus vous êtes capable de résister à l'ennui de votre ego. Parce que l'ego de l'homme s'ennuie. Et l'ego de l'homme s'ennuie parce que l'ego de l'homme n'est jamais satisfait. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas satisfait? Parce que la personnalité cherche toujours quelque chose. Faut que vous en arriviez à sortir de cette insatisfaction-là pour pouvoir vivre dans une neutralité mentale suffisamment grande pour que moi, je puisse vous parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures et augmenter le taux vibratoire de votre esprit pour que vous puissiez, le lendemain, la semaine après, deux semaines après, recevoir l'énergie du rayon qui est le vôtre. Moi, je vous parle, il y a une communication vibratoire. Ensuite, votre rayon commence à agir dans vous autres. Et c'est là que vous recevez une portée d'énergie qui ouvre, puis qui vous ouvre, puis qui vous ouvre, puis qui vous ouvre. Mais il faut que le travail se fasse d'abord de mon esprit à votre esprit, et ensuite, là, vous tombez sous l'action de votre propre rayon. T'es bien, merci. C'est subtil, parce que quand vous rentrez sous l'action de votre propre rayon, puis cette partie-là est importante. Il y a deux choses que vous réalisez. Vous réalisez d'abord le choc du rayon sur votre personnalité. Puis c'est ça qui coupe la personnalité de l'ego, qui transmute l'ego en esprit, ce qui est extraordinaire dans la vie de l'homme. C'est de la magie, de la lumière. Puis, vous réalisez ensuite que... que vous pensiez avant. C'est totalement l'opposé. Et le fait de réaliser dans un instantané vibratoire qui provient du choc du rayon que c'est totalement l'opposé, ça, ça vous crée une sorte de grande solitude. Il y a une affaire de solitude liée à ça. Es-tu correct, moi, là, quand je te parle, là? Ça connecte-tu avec ce qui s'est passé entre nous autres? Il y a une solitude, là. C'est cette solitude-là que vous avez besoin, vous autres, pour devenir totalement indépendant de moi en esprit. Alors là, vous grandissez sous l'énergie de votre propre rayon. C'est extraordinaire, ça. Mais je ne peux pas convoquer tout le monde chez nous pour le faire. Mais je peux le faire en groupe. Mais pour que je le fasse en groupe, il faut que j'aie des conditions réellement appropriées. Puis ces conditions-là, c'est que les gens soient réellement bien, bien neutres au niveau de leur personnalité et de leur ego. Que les gens ne cherchent pas quelque chose. Pour qu'ils me laissent un moins parler. Alors moi, je parle, puis je défile, puis je défile, puis je défile. Puis éventuellement, là, je frappe une veine. Puis quand je frappe la veine, c'est là que le rayon commence à agir. On sent des fois que tu frappes une veine, on dirait que ça crée des réactions chez certaines personnes. Puis tu poses une question exactement à ce moment-là, donc pour descendre de vibration. Parce qu'ils ne peuvent pas le supporter peut-être. Ouais, mais il faut que les gens le supportent. Les gens le supportent. Il faut que vous fassiez attention avec le mécanisme. J'ai remarqué une chose dans mon expérience. J'ai remarqué que les gens qui sont les plus avancés sont ceux qui demandent le moins de questions. C'est subtil, hein? Moins de questions. Ces gens peuvent avancer. Parce que l'énergie vient, puis d'abord, le phénomène de la question, c'est toujours pour sécuriser l'ego. Fait qu'il bypass ça. Fait que là, l'énergie a fait son travail. J'ai rien que les gens me demandent des questions. C'est pas ça le point. Mais le point, c'est dans la mécanique de la question. Parce que vous autres, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est une question. Vous autres, vous ne réalisez pas que la question, ça vient d'eux autres. La question, elle fait partie du même mécanisme que de la pensée. Une question et une réponse, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre une question et une réponse. Mais vous autres, vous pensez qu'il y en a. Il n'y en a pas. La preuve, c'est que dans toute question, il y a une réponse. Puis la preuve, c'est que quand vous demandez une question, souvent, vous avez la réponse instantanément avec. C'est une mauvaise habitude. C'est ça. On veut-tu savoir, on veut-tu comprendre? T'sais. C'est la personnalité. L'esprit de l'homme, c'est une énergie qui est tellement puissante, qui est tellement raffiné, que quand l'homme rentre dans cette énergie-là, il ne se sent plus homme. Il ne se sent plus dans sa personnalité. Il ne se sent plus comme appartenant à la race humaine. Il se sent autre chose. Et plus cette vibration-là grandit, plus il se sent autre chose. Plus il se sent autre chose. Plus il se sent autre chose. Jusqu'à temps qu'il passe avec toi. Mais on fait toujours interférence avec le développement de notre esprit au profit de notre ego et de notre personnalité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ce qui est de l'esprit, c'est tellement occulte qu'il faut être réellement dans l'esprit pour le comprendre. Ce qui est de l'esprit n'est pas de l'âme. Ce qui est de l'esprit n'appartient pas à l'ego. Et ce qui est de l'esprit se fout complètement de la personnalité. C'est pour ça que lorsque l'homme est dans l'esprit, il n'est plus dans le temps. Alors, quand il n'est plus dans le temps, il n'est plus attaché à la matière. Il n'est plus attaché à la forme. Il n'est plus attaché à rien. Puis quand il n'est plus attaché à rien, il est conscient. L'esprit de l'homme, c'est une énergie qui est directement proportionnelle à la vibration de l'hydrogène du soleil. Sur des plans supérieurs. L'esprit de l'homme, c'est quelque chose. Mais pour que l'homme réalise son esprit, il faut qu'il soit libre de sa personnalité. Parce que l'esprit de l'homme ne peut pas être senti en lui s'il y a trop de personnalité. S'il y a de la personnalité. S'il y a de la conscience de la personnalité. Moi, je vous parle présentement, là, je suis en train de vous parler. Puis quand je vous parle, au fur et à mesure que je vous parle, je rentre dans mon esprit. Puis quand je rentre dans mon esprit, je m'aperçois que mon esprit est infini. Quand l'homme commence à réaliser l'infinité de son esprit, il commence à réaliser l'infinité du savoir. Puis quand il réalise l'infinité du savoir, il commence à pénétrer dans le mystère du savoir. Puis quand il rentre dans le mystère du savoir puis qu'il parle ça, l'humanité rentre avec lui dans le mystère de l'homme. Fait que c'est important pour l'homme de comprendre la nécessité de se libérer au niveau de sa personnalité de toutes les formes quelconques, soit de curiosité ou les formes de perception qu'il pense avoir et qui font partie d'encore un certain travail qui doit être fait. On a l'illusion constante attachée au cul. Constante. Quand même, il y a des gens qui viennent me voir, puis qui me parlent, puis qui me disent... Des fois, je dis rien. Je laisse passer. Mais si les gens voyaient ce qu'ils me disent à travers de mes yeux, ils retourneraient de bord. Il y aurait un choc, parce qu'ils réaliseraient que ce qu'ils pensent, eux autres, comme étant intéressant, intelligent, réel, c'est pas réel tantôt. Parce que le réel n'appartient pas à la personnalité. Comment vous allez ces plans, vous voyez l'affaire ces plans, vous avez des communications avec les plans. Vous savez même pas avec quoi vous communiquez. Votre expérience est réelle psychologiquement, astralement, mais vous ne savez pas avec quoi vous communiquez. Vous connaissez même pas la raison pour cette communication-là. Vous connaissez même pas la raison pour laquelle vous vous faites dire telle chose, et vous pognez dedans au niveau de votre personnalité. Ce n'est pas les moindres des gens qui se font prendre à cette illusion-là. Croteau, il l'a vécu, cette expérience-là, avec le Soumat. Puis Croteau, c'est un homme que je considère un homme averti au niveau des enseignements quelconques. Mais tu ne peux pas sortir! Les illusions sont tellement parfaites que tu ne peux pas sortir tout seul! C'est ça, nous autres, qu'on oublie sur le plan matériel. Sans ça, on n'aurait pas besoin de venir. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un gars fusionné sur le plan matériel? C'est pas nécessaire. Les connexions se feraient, puis il se ferait. Ça se fera pas de même, c'est impossible. Il faut qu'il y en ait un qui vient sur le plan matériel et qui serve de canard. C'est ça, les initiés. Vous parlez des initiés, c'est ça. La fonction des initiés. Puis ça a toujours été, c'est l'histoire de l'art. Puis le plus drôle, c'est que les derniers avertis, c'est nous autres. On est les derniers avertis de ça. C'est quand la fusion se fait qu'on le sait. Faut que l'homme partage avec nous autres la subtilité de notre esprit pour qu'il puisse rentrer dans la conversation parfaite avec lui-même. Moi, je peux pas toujours, pendant des années de temps, souffrir. Souffrir du manque de cette sympathie vibratoire entre mon esprit et votre esprit. D'ailleurs, c'est ça qu'ils vont faire à l'été en 84. Je vais continuer d'une autre façon. Mais en 84, c'est ça qu'ils vont faire aider parce que j'ai plus de force, j'ai plus les forces de sentir vos personnalités, puis de sentir vos égos, puis de sentir. Je ne suis pas capable. Je ne suis plus capable. Là, il y a bien des anciens. Mais après un certain nombre d'années, tu es capable. Parce que tu n'es pas attaché à la forme. Quand tu n'es pas dans l'illusion d'une forme, tu n'as pas grand-chose pour te soutenir. Tu n'as pas grand-chose. Tant que la volonté et l'intelligence. Puis l'amour de l'homme, c'est la seule chose que tu as pour te souvenir. Moi, il y a un homme sur la terre que je suis obligé de rencontrer. J'ai pas de choix. Ça, c'est fixé. Ça, je suis obligé. Comment il m'appelle à 4h du matin, il faut que j'y réponde. Il m'appelle à 3h après-midi, il faut que j'y réponde. Il y a un homme sur la planète Terre que je suis obligé de rencontrer quand il m'appelle. Ou de me mettre à sa disposition quand il m'appelle. C'est un travail de longue haleine que je fais avec. Il y en a un. Tous les autres hommes sur la Terre, je peux me couper. Je peux me couper de Croteau, je peux me couper de Ménard, je peux me couper de Elle, je peux me couper de n'importe qui, je peux me couper de tous vous autres. Mais cet homme-là, je ne peux pas me couper de lui. Puis cela dit beaucoup parce que quand tu ne peux pas te couper d'être disponible à un homme sur une planète, tu es lié à la planète. Tu es lié au plein. Ça, c'est des. Ça démontre jusqu'où vont les lois de la lumière. Ça démontre jusqu'à quel point les lois de la lumière sont totalement en dehors de la personnalité de l'homme. Tu vois quoi? C'est pas parce que j'ai pas de volonté, je n'ai de maudit. Isn't that something, Jay? There's one man in my life, Mikrowski, eh? There is no way I can cut off from that guy. Puis au niveau de la compréhension, il touche pas au nombril de Croteau. Mais ça, c'est parce que ça fait partie de mes activités après 84, que je prépare depuis des années de temps. Je suis obligé. L'intelligence, c'est pas ce que les hommes pensent. Il y en a parmi vous autres, des fois, qui disent « Ah, j'aimerais ça » ou qui cherchent « Qu'est-ce que je vais faire plus tard? » J'aimerais ça. Si jamais vous tombez sous la puissance de l'intelligence cosmique, vous ne pourrez jamais faire ce que vous voulez. Puis vous ne saurez jamais ce que vous allez faire. C'est un monde totalement à part, l'intelligence cosmique. C'est totalement un autre monde. La volonté cosmique, c'est un autre monde. C'est un rayon d'énergie. Vous êtes totalement impuissant dans cette affaire-là. C'est pour ça que quand c'est harmonisé à vos principes inférieurs, vous devenez conscient. C'est totalement, totalement un autre monde. C'est un monde qui a une autre psychologie du réel. C'est un monde qui impose à l'humanité ou à une planète, les conditions de son évolution. C'est un monde totalement puissant, absolument puissant. Et pour que l'homme ne souffre pas de ce monde-là, il faut que ses corps soient totalement en harmonie avec cette vibration-là. Et que sa volonté soit totalement ajustée à cette volonté-là. Et que l'amour soit totalement ajusté à ça. On parle de conscience cosmique d'un livre. mais on n'a aucune idée de ce que c'est la conscience cosmique. Puis pour qu'elle soit transmise, cette conscience-là, il faut que les âmes aient une sorte de sympathie vibratoire au niveau du mental, dans ce sens qu'il faut que leur personnalité soit réellement libre de leur ego, que l'ego soit libre de la personnalité, qu'une sorte de liberté dans le mental, une sorte de patience mentale, pour que la vibration puisse. Puis une fois qu'elle se connecte, la vibration, ça marche. Tu ne peux plus retourner en arrière. Tu ne peux plus. C'est impossible. T'avances. Rien que par l'énergie. On pense que c'est par les mots qu'on évolue. Ce n'est pas par les mots. C'est par l'énergie des mots. Il faut que vous en arriviez à avoir la capacité de soutenir un intérêt vibratoire sans la forme, sans la valeur de la forme. Les lois de l'homme sont totalement occultes. Quand je dis que les lois de l'homme sont occultes, je veux dire que l'homme n'a aucune idée de ce qu'il est. Et nous autres, pour donner à l'homme une idée de ce qu'il est, on a seulement un outil, c'est de détruire les formes en lui et de créer en lui des impressions qui sont totalement autres que les impressions qui ont servi à son évolution. Il faut que l'homme en arrive à être totalement mental. Et pour qu'il soit mental, il faut qu'il n'y ait rien en lui au niveau de l'émotion qui trouble son mental. Ils disent que quand on est ensemble d'une salle, les gens devraient être seuls avec moi. Comme toi, tu es supposé être seul avec moi. Elle est seule avec moi. Lui est seul avec moi. Vous ne devriez même pas être ensemble. Comprends-tu ce que je veux dire? Être seul avec moi. C'est vibratoire, ça, ce que je dis. Quand vous êtes seul avec moi, automatiquement, là, la sympathie vibratoire, elle s'éteint. Si tu es seul avec moi, elle a la sympathie vibratoire au niveau de mon esprit et le tien. Mais il dit pas tout seul avec vous-même. Parce que si vous êtes seul avec vous-même, vous n'êtes pas avec moi. Vous êtes avec vous-même. Vous êtes dans votre propre cloison. Vous êtes dans votre propre, dans vos propres problèmes. Vous n'êtes pas supposé d'en avoir des problèmes quand on est ensemble. Vous pouvez en avoir quand vous sortez de la porte. Ça va revenir après. Mais quand on est ensemble, vous n'êtes pas supposé d'avoir des problèmes. Si vous êtes avec des problèmes, c'est parce qu'on n'est pas encore, on n'est pas encore ensemble. C'est justement quand on est ensemble que vous recevez l'énergie pour que quand vous sortez, vos problèmes se comprennent mieux. Parce que vous, votre niveau d'intelligence monte. Les problèmes diminuent dans leur proportion psychologique. Ils sont de moins en moins importants. Vous pouvez en arriver à les oublier. Il y a une relation qui se détermine entre vos personnes et ma personne. Je lis avec Obu cette vibration-là. Obu, il est avec moi. Il est complètement avec moi. Pendant des heures, puis des heures, puis des heures, tout avec moi. Lui, il n'a fait un mot du chemin depuis le séminaire. Parce que dans le séminaire, il était bourré de problèmes, comme les hommes de son âme. Il a fait un mot du chemin. Extraordinaire. Pas ce que je t'ai dit qu'il a fait. C'est extraordinaire. Faut que les gens en arrivent à être tellement dans la vibration de leur mental que ils ne sentent plus de paroi entre moi et eux autres. C'est vibratoire encore la paroi. Pour que moi et eux autres, on est un. C'est là qu'elle se fait la communication. Cette sympathie vibratoire-là, quand il n'y a plus de parois. Pardon? Je suis seul avec toi-même, je suis seul avec vous autres. Je suis seul avec vous autres. Je finis la rencontre sur cette note-là parce qu'elle est bien importante, cette note-là. Elle est bien importante, cette note-là. Parce qu'une fois que je suis seul avec vous autres, là, je peux dire, bon, ben viens là, à Nord, on va avoir un petit café. Là, à ce moment-là, ben là, je peux vous dire des choses quand on se rencontre tout seul qui sont des clés et qui vous permettent de rentrer en harmonie vibratoire avec votre propre rayon. Votre rayon, là, c'est comme si vous autres, vous êtes ici, là. Puis le rayon, il est là, puis il descend. Mais il descend à côté. Il ne descend pas head-on. Alors, pour que le rayon, là, soit head-on, il faut que la lumière soit comme ajustée, là, pour que le rayon, il descende right there. Puis ça, pour que ça se fasse, ça, il faut qu'on puisse être dans cette vibration-là. Ça prépare à ça. Mais il faut que les couches superficielles soient éliminées. Il faut que les couches qui sont liées à la personnalité soient éliminées. Il faut que ce soit d'esprit à esprit. Là, à ce moment-là, le rayon pénètre et lui fait son travail dans vos corps, sur vos corps. Là, il y a des blocs qui sautent, là. Votre connexion se fait. Vibratoire, votre connexion vibratoire se fait. Parce que Ce que vous appelez, vous autres, le temps pour vous autres, c'est pas comme le temps pour moi. Le temps pour vous autres, c'est psychologique. Pour moi, le temps est l'expression de l'énergie dans un certain éther. Et pour que l'homme puisse vivre en relation avec cet éther-là, il faut qu'il soit dans ce temps-là. Et pour qu'il soit dans ce temps-là, il faut que son esprit soit dans la même vibration que la mienne. Puis dans cette vibration-là, il n'y a aucun matériel psychologique. C'est simplement de l'énergie. Mais moi, je sais que je ne peux plus être seul trop longtemps. Je sais que, après un certain temps, il faut qu'il y ait d'autres cerveaux qui sont dans la même vibration que la mienne. Pour quelque raison que ce soit pour continuer le mouvement d'énergie sur le plan matériel ou d'autres choses. Mais il faut qu'il y ait une continuation de l'énergie. Puis elle va se faire, parce que ce sont les lois de la lumière. C'est là, c'est à ce moment-là, c'est dans ce travail-là que se fait la séparation des esprits. Et la séparation des esprits, c'est catégorique, c'est parfait. Un homme peut vivre son individualité, ça c'est correct. Mais un homme ne peut pas s'imaginer. C'est bien subtil celle-là. Un homme ne peut pas s'imaginer qu'il peut vivre sa vie sur le plan matériel dans une coquille. C'est une illusion. C'est une illusion totale. Quand même, vous auriez toutes sortes de personnalités, whatever. Ça. Un homme est obligé, dans le cadre des lois de l'univers, un homme est obligé d'être capable de rencontrer un autre homme en esprit. Bon, qu'il fasse sa vie seule, ça c'est correct, isolé, whatever. Moi, je suis bien isolé. Mais, je suis capable de parler avec tous les autres. Et un homme qui rentre dans la lumière, autrement dit, un homme qui rentre dans son esprit, doit éventuellement être capable de communiquer avec ceux qui sont dans l'esprit. Un homme qui n'est pas capable de communiquer avec ceux qui sont dans l'esprit, il n'est pas dans l'esprit. Il est en dehors de l'esprit. Parce qu'il n'y a pas un homme dans l'esprit qui va refuser de parler à un homme dans l'esprit. Puis je suis fatigué ce soir. Mais refuser catégoriquement là, pour des raisons de personnalité, non. Fait que si vous n'êtes pas capable de parler à des hommes qui sont dans l'esprit pour des raisons de personnalité, vous n'êtes pas dans l'esprit, vous êtes encore dans la personnalité de votre ego. Parce qu'une fois qu'un homme est dans l'esprit, tous les hommes qui sont dans l'esprit sont dans le même esprit. Même longueur d'onde. C'est la puissance des enfants de lumière sur la terre. Parce que c'est ça qui va permettre un jour aux enfants de lumière sur la terre, dans tous les pays du monde, de pouvoir communiquer par télépathie et de créer le fameux cercle mondial. Un homme dans l'esprit ne peut pas dire « Ah, lui, je ne veux pas y parler, pas intéressé à lui. » Qu'un homme dans l'esprit voit les failles dans un autre homme, ça c'est correct. Mais qu'il ne veut pas y parler pour des raisons de personnalité, il n'est pas dans l'esprit. bien subtil, ça. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est se penser plus grand que les autres. Puis c'est rationaliser sa grandeur. Tu sais, quand je dis aux gens d'un séminaire, apprenez à vous parler, tu sais ce que je veux dire?